l'Orient embrasser les tsarines et les bateliers. Même si l'hiver est grand, dans l'icône à Lénine, cœur des armées, pays rempli d'or, pays d'outre idée. Où sont les amants quand l'amour se résigne, triste et mal caché? Et si je les entends, les mémoires qu'on mutile, tout dôme doré, pour tout vivre en silence, pour tout vivant. Alexis Martin, les noces qui prospèrent sous sa veste, la nuit, la nuit. La Chine au Balkan, sans qu'on me l'interdise, j'irai le trouver. Même s'il faut saluer les héros qu'on déguise. Âme qu'on emprisonne, pour qu'on lui donne la clé, j'irai. Même s'il faut traverser les tableaux de Soutine, même les figurés, dans le cirque des grands, ce sont les enfants qu'on grime. Alexis Martin, les mousses qui prospèrent sous sa veste, l'amour.